le soleil n'est pas fait pour nous, même si c'est pas pareil. Quand t'as mal partout, faut que tu la croises un jour sur le trottoir pour la mettre sur l'ardoise. Celle de ton répertoire, cowboy, oh cowboy, raconte-moi une chanson, cowboy, oh cowboy, raconte-moi ta moisson, celle d'un soir, celle d'une vie, celle. Good.